On va parler avec William Saint-Pierre. On a parlé vendredi, lundi plutôt, on a parlé avec Guillaume Boucher de l'équipe du Verrier de Sherbrooke. Là, maintenant, on va parler avec le principal intéressé. On ne peut pas lui parler avant parce que ça a l'air qu'il a un horaire de débile. Salut William Saint-Pierre. Salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. Félicitations pour le Verrier de Sherbrooke. Moi, écoute, c'est une belle surprise puisque j'avais toujours entendu dire que. Et même du monde a dit, que je posais la question, est-tu calé pour jouer au universitaire? Puis on me dit tout le temps, il était tout petit. Fait que je pensais jamais que tu allais signer, mais finalement, tu as signé, puis félicitations. Rien que ça te dit. Ah, un gros merci, Dani, c'est très gentil. William, honnêtement, est-ce qu'il y avait juste le vert et or dans le portrait? Je te dirais que l'année passée, OK. plutôt quand j'ai décidé de faire une quatrième année, il y avait McGill dans le OK. portrait. Je suis pas allé visiter, faire mes rencontres, puis ça. Sauf qu'en fin de compte, j'ai décidé conjointement avec mes parents, tout ce qui s'en allait, de faire une quatrième année, puis d'attendre ce qu'ils allaient se voir. Finalement, heureusement, le Varior m'a approché. OK. Donc, j'étais très content de ça. Fait que cette année, il y avait juste le Varior. OK. Donc, pour toi, là, le vert et or, ça devait être intéressant pour toi, là. Qu'est-ce qu'on t'a je sais qu'on a parlé avec Guillaume, puis il t'a rien promis, hein? Non, je te dirais qu'à tous les joueurs, ils ne promettent rien à ce niveau-là. Ouais. C'est vraiment, ça part du jeune. Écoute, à Sherbrooke, on va être environ 110 joueurs. Ouais. Tu peux pas promettre Alors, c'est des sûr. choses à tous les joueurs. Tu sais, rendu là, c'est eux autres, il faut qu'ils fassent leur part. Puis, c'est grâce à ça qu'ils vont avoir du terrain, si c'est eux autres qui vont mettre l'effort. OK. Donc, tu te vois comme demi-défensif, évidemment. Hey, mais les unités spéciales, j'ai parlé à Guillaume Boucher là-dessus, puis Guillaume me dit que les unités spéciales, c'est la porte d'entrée pour tout calibre. Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu es à l'aise avec les unités spéciales? Oui, ben c'est. Je te dirais que pour la première année, là, je focus juste là-dessus. C'est vraiment la porte chemin d'entrée, comme tu dis, pour être habillé la première année. Puis je suis chanceux, une unité spéciale, il faut de la vitesse. Puis du cœur. Puis je pense justement que j'ai ces deux qualités-là que avec ma vitesse que je continue de développer, je pense que je vais être capable de me tailler une place aux unités spéciales, peut-être ma première année. OK. J'aimerais vraiment ça. Dis-moi, William, l'effort, le fait également de jouer avec le vert et or, j'imagine que c'est une belle fierté pareil. C'est quand même une organisation quand même assez intéressante, là. Oui, ben, Danny, là, que, c'est moi, je voulais pas jouer. Ben, tu sais, j'étais quand même conscient que, au Gérard Carabin, ça allait être plus dur, mais moi, je voulais vraiment jouer pour le Réor, puis je suis content parce que c'est là que je suis rendu présentement. Tu sais, mon rêve, là, c'est vraiment d'être habillé, puis d'avoir les deux pieds sur le terrain, au Réor, ou jouer contre Laval, ou au Stade Telus à Laval. Puis, je sens qu'il y a déjà une bonne partie de fait. Il me reste juste un petit bout de chemin à faire. Si les Carabins puis le Rouge et Or t'auraient approché, on ne saura jamais parce que c'est pas fait. Puis est-ce que ça t'aurait plus tenté? Je le sais pas. Ça m'aurait OK. vraiment. Ça aurait dépendu des valeurs. T'sais, je me suis vraiment, vraiment accroché à Sherbrooke, ce qu'il représentait. Puis ça, tu sais, McGill, mettons, ce qu'il m'avait proposé, les valeurs, tout ce qu'il y avait alentour, j'aimais moins ça. Je me suis vraiment reconnu à Sherbrooke. Rendu là, m'avoir reconnu à Carabin ou Laval, je le sais pas. OK. Je peux pas dire. Quelles sont les valeurs qui sont si attachantes pour toi? Je te dirais la famille là-bas, le OK. sentiment que tout le monde va vers une même mission. Avec les coachs, avec coach Boucher, je Ouais. m'entends super bien. Avec coach Lecomte, on a jasé beaucoup. Puis c'est un bonhomme d'affaires aussi, fait que moi je vais en vendre d'affaires, fait qu'on s'est rejoint beaucoup là-dessus. C'est un bon mentor là-dedans, fait que je dirais que c'est tout l'ensemble qui fait que l'accueil par les joueurs, OK. ça a vraiment été très très très plaisant. OK. Ben, je pense que ce qu'on a aimé aussi, c'est ton attitude de l'autre côté aussi, là. Ouais, je sais que coach Boucher avait appelé quelques joueurs, puis quelques anciens entraîneurs. Puis je pense que ils ont pas menti. Je suis quand même un gars qui a une bonne attitude. Fait que c'est ça. On Alors, s'est rejoint là-dessus. OK. William, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça que je voulais te demander. Le fait que François Laberge a mentionné que ça pouvait être un handicap pour toi de commencer, vu que tu vas commencer l'an prochain, c'est ça, avec le Varéor? Ça Ouais. risque d'être moins. Tu pars avec pas deux prises, mais une prise, mettons. Ça va être une année d'adaptation parce que justement, en raison que tu commences au mois de septembre. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est sûr que ça, je pars avec une prise, c'est sûr et certain. Malgré que je m'en vais tout de suite là-bas le 24 avril, OK. c'est sûr que je rate 2-3 mois de 4 mois de pratique d'hiver. Ça, c'est sûr, ça va me désavantager. Sauf que, tu sais, je m'entraîne extrêmement fort de mon côté. C'est sûr que ça vaut pas s'entraîner avec eux autres tout l'hiver. Ça, je suis d'accord. Mais je te dirais qu'avec l'entraînement que je vais, puis je vais arriver le 24 avril, c'est sûr qu'il va falloir mettre des heures supplémentaires avec les coachs. J'en suis conscient. Puis je suis prêt à ça, puis je vais m'entraîner fort tout l'été encore avec eux autres à Sherbrooke. Donc, rendu là, c'est sûr que ça va être plus difficile, mais c'est atteignable. Hey, jouer contre ton grand chum Philippe Lavoie, ça te dit quoi? Je suis content, ça va vraiment faire drôle. Pour vrai, j'ai Hein? vraiment hâte de le croiser sur le terrain. Vraiment, vraiment, Ouais, c'est vraiment. jouer contre lui. Ben, William, félicitations encore une fois. Bravo, ça fait fort agréable. Puis on va te suivre avec le Varior de Sherbrooke à partir de cet automne. Merci beaucoup, Dani. William Saint-Pierre de Dolboom-Sisnick s'est taillé une place avec le Varior de Sherbrooke.